débuterai ce morceau avec un simple phrasé. Écraser les mauvaises langues et les wacks les raser. Terrasser toute cette crasse sans laisser de traces. Et faire assez de vacarme avec ma féroce arme. Placée au cœur du système, lui a trop de fois chercher les sauces. Des causes au mal de vivre, aller chercher les fausses. Et on s'efforce d'être libre, moi j'ai pris tous les risques. Je regrette jusqu'à la vie dans mes lyrics. Mais si t'entends ce son, écoute-le. Ou dis clairement que t'en as rien à foutre, écoute-le. C'est que le premier couplet, y'en a encore deux. Si tu te reconnais, ce que j'aimerais, c'est te voir au bout d'une corde. On parle plus du temps qu'il fait. Imagine celui qui ferait, si le climat dépendait de moi, je serais loin d'être frais. Quoi qu'il en soit, je rappe pour les miens et ceux qui taillent. Ils ont perdu la guerre et la bataille. Je rappe pour les miens, du moins pour ceux qui me comprennent. J'ai pas de temps à perdre avec ceux qui me freinent. Frère, fais gaffe aux personnes avec qui tu traînes. La vie est dure donc il faut que tu t'entraînes. Rap pour les tiens, du moins pour ceux qui te comprennent. T'as pas de temps à perdre avec ceux qui te traînent. Tu sais ce que les cons te diront. Quand moi tu les connais, tu les côtoies. Fais gaffe à ceux qui t'aideront. Putain je gravite autour des cons, c'est tragique, magique. Fais passer le message, SM3 débarque et la foule s'agite. Crachez sur les faux, clashez-les, cachez-vous les gars c'est dead. La guerre anti-wack démarre, on a besoin d'aide. T'es large sur les lâches, si on est barge c'est parce qu'on émerge. Qu'on vit en marge et pas sur les mêmes berges. La marche est lancée, avancée en rang, ça vient tout juste de commencer. Car après l'Irak, il faudra bien l'Iran, c'est con à dire. La source de l'intellect est tarie, des tarés qui font fils d'humain, théâtre de tuerie. Qu'est-ce qui t'arrive? Ta tête bouge et t'acquiesce, mais qui est-ce? Agent SX, t'en as marre d'entendre un fil des boules, qu'est-ce? C'est grave comme le monde court à sa perte. On suit la trace des ancêtres, sauf que là ça prendra tes ancêtres. On n'est pas les plus à plaindre, nous on a tout ce qu'il faut pour kiffer. C'est bien ce qui définit nos défauts. Je rappe pour les miens, du moins pour ceux qui me comprennent. J'ai pas de temps à perdre avec ceux qui me freinent. Frère, fais gaffe aux personnes avec qui tu traînes. La vie est dure donc il faut que tu t'entraînes. Rap pour les tiens, du moins pour ceux qui te comprennent. T'as pas de temps à perdre avec ceux qui te freinent. Tu sais ce que les cons te diront. Quand moi tu les connais, tu les côtoies. Fais gaffe à ceux qui pensent comme toi. Ok, on est sains des soudés, souvent sans dessus dessous. Des pensées sades, sous des façades sales. Fadé acide croulé, sous des étages crades. Trop saoulés, trop souvent les piges. Des fils vides comme j'enfile les tiges. Tous les jours dégoûtés, attisés par le bise. Mais trop coûteuse, cette fiche tease. À en croire la mine douteuse, ma thèse. C'est comme ce beat fat qui t'imprègne. Mais pas ce monde qui te pèse et où les t'imprègne. On les fait abdiquer, abdiquer trop devant la connerie. Écoute ta sonnerie, je t'appelle pour te niquer. Vas-y prends un ticket, j'ai vu ton sketch chez un antiquaire. Mon nom s'est amené chez ton disquaire. Ouais c'est mon étape, on me dit que ce monde est top. En plus on court dedans, pendant que je rappe et que je les vois tant de temps. Attends, j'ai pas fini, il me reste une mesure. Peut-être une misère, juste une césure qui te laisse dans le mystère. Je rappe pour les miens, du moins pour ceux qui me comprennent. J'ai pas tant à perdre avec ceux qui me freinent. Frère, fais gaffe aux personnes avec qui tu traînes. La vie est dure donc il faut que tu t'entraînes. Rap pour les tiens, du moins pour ceux qui te comprennent. T'as pas de temps à perdre avec ceux qui te freinent. Tu sais ce que les cons te diront. Quand moi tu les connais, tu les côtoies. Fais gaffe à ceux qui t'aideront. Je rappe pour les miens, du moins pour ceux qui me comprennent. J'ai pas de temps à perdre avec ceux qui me freinent. Frère, fais gaffe aux personnes avec qui tu traînes. La vie est dure donc il faut que tu t'entraînes. Rap pour les tiens, du moins pour ceux qui te comprennent. T'as pas de temps à perdre avec ceux qui te freinent. Tu sais ce que les cons te diront. Quand moi tu les connais, tu les côtoies. Fais gaffe à ceux qui t'aideront. Fais gaffe à ceux qui pensent comme toi.